quatre étaient jetés le 24 mars sur une côte déserte à plus de 6 000 milles de leur pays. Et celui qui manquait, celui au secours duquel les quatre survivants du ballon couraient tout d'abord, c'était leur chef naturel, c'était l'ingénieur Cyrus Smith. Fin de la partie 1, chapitre 2, enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique, durant juin 2014.